corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Gemozo pour le premier numéro de Boomerang de l'année 2019. Et oui, on se retrouve avec une partie de l'équipe. Alors il y a des absents pour ce premier numéro de 2019. Aujourd'hui, équipe un peu réduite. Alors on fait un coucou tout de suite tous en cœur à Magali. On lui souhaite une belle année 2019 par les ondes d'RGM. Et puis à Segundino aussi, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc salut à tous les deux. Revenez-nous vite. Eh bien aujourd'hui en studio, Dominique, au rendez-vous. Bonjour Jean-Baptiste. Salut à toi Dominique. C'est... Bonjour Jean-Baptiste. Salut Félicie et Pascal à la technique et à l'animation bien sûr. Oui, chers auditeurs, bonjour. Voilà. Voilà, donc on est quand même quatre, donc on sera, ouais. On sera déjà pas mal pour... On dit bonjour aussi à notre animateur. Jean-Baptiste. Ah ben elles n'ont pas oublié. On a dit Pascal. Elles m'ont dit tu n'as pas suivi. Autant pour moi. Non, c'est pas grave. Bon alors un programme assez sympa aujourd'hui. On va parler de bouquins, de cinéma, comme d'habitude, ouais. Avec l'ami Félicie. Alors Félicie, tu vas ouvrir le bal, tu vas faire l'honneur, ouais, de démarrer cette première émission. J'ai oublié juste une chose. Oui. On souhaite une belle année 2019 à nos amis qui nous écoutent, à nos fidèles. Oui. Hein, voilà. Oui. Alors, Félicie, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un film que je pense tout le monde connaît, que, ouais, beaucoup de gens ont vu. Moi, je l'avais vu il y a quelques années. C'est un film qui s'appelle Subway avec Christophe Lambert, Isabelle Adjani, entre autres. Ouais. Film qui apparemment t'a marqué. Tu voulais un peu nous expliquer autour de l'histoire. Qu'est-ce que tu avais ressenti sur ce film-là ? On t'écoute. Ouais, alors je vais quand même présenter le film, de son synopsis. C'est un film de Luc Besson de 1985 que beaucoup de monde a vu et qui était apprécié. Hein, il y a 3 millions d'entrées quasiment en France. Donc je voulais vous donner 5 bonnes raisons de revoir ou de voir ce bouet. La première des choses, je dirais que c'est des vues imprenables du métro qui sont faites. En deux, le phénomène de rencontre dans la faune de ce métro, parce que dans le métro, il y a beaucoup de ça brasse beaucoup de monde différent. Alors, peut-être profiter de préciser pour nos amis, nous tous, dans quel métro ça se situe ? Le métro parisien. D'accord. Voilà. Dans les années 85. Donc un des métros les plus anciens dans l'histoire des métros mondiaux. Voilà. D'accord. Je dirais en trois la plastique du film. Les prises de vue sont brillantes, ingénieuses, innovantes, jamais vues. Pareil pour les angles. Il y a des angles de prise de vue qui sont très inventifs. Et en quatre, la force des personnages. Alors j'y reviendrai. Oui, ce bouet, c'est le métro comme on ne l'a jamais vu. Sauf un petit peu en vrai, parce qu'on voit des choses dans le métro quand nous on y est, nous personnes lambda. On voit des choses, mais on ne voit pas ce qui se trame en dessous, en fait. C'est le cas de le dire. Mais le métro parisien, on peut justement un petit peu s'attarder là-dessus par rapport au fait que tu nous ouvres cette histoire sur le décor ambiant. Le métro parisien est un peu différent des autres types de métro, déjà par son ancienneté. D'accord. Parce que il date de 1900 et les lignes ont été construites au fur et à mesure. Ligne 1, après il y a ligne 2, ligne 3, ligne 4 et tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même un défi énorme à l'époque quand il a été créé, d'ouvrir les rues, de percer comme ça et de refermer les voûtes ensuite et de faire transporter les gens le plus rapidement possible d'un point à un autre. Oui. Et après il y a vraiment eu toute une évolution qui s'est faite. Bon, c'est un peu stagné jusque dans les années 45-50 et à partir des années 50-60, avec l'apparition du métro à pneus sur certaines lignes, il y a eu effectivement une démocratisation. Et puis après, avec l'arrivée du RER, la disparition des Halles et la création de Châtelet-Les-Halles, donc la plus grosse gare souterraine qui est vraiment la plateforme, Châtelet-Les-Halles, la plateforme du métro et du RER parisien, intramuros et petite banlieue et grande banlieue. Il y a eu effectivement, au moment du film, dont tu vas nous expliquer l'histoire, c'était vraiment dans les années 80, l'automatisation, l'informatisation en masse de, du métro et de l'accueil des voyageurs et du fonctionnement, c'est-à-dire de tout ce qui est la gestion des rames. Oui. Du métro. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu parlais de décor. Le film a eu un Oscar du décor. Oui. Il ne faut pas le voir comme un décor de western ou de choses comme ça. C'est vraiment filmé. Les décors sont filmés sur tout ce qui est vraiment atypique. Il y a un moment, il filme l'escalator. On voit des reflets chatoyants sur le massif argent ou ferraille de l'escalator. L'inox. L'inox. Il a une façon de filmer cet escalator et l'inox qui fait que ça devient plastique, ça devient esthétique. Oui, puis les carreaux... Il y a eu plusieurs époques de décors dans le métro parisien, mais les premiers décors sont toujours maintenus, et d'ailleurs ils reviennent en masse parce qu'il y a ce côté un peu du parisianisme ancien, c'est les petits carreaux de faïence. Oui, les petits carreaux de faïence. Qui sont en forme de briquettes couvraient les voûtes et les murs des couloirs et des stations de métro. Ouais. Ouais. Après, il y a eu des carreaux orange, plus fins, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Qu'on voit dans le film, voilà, c'est ça. Et le film a été tourné plus ou moins... Enfin, il y a eu d'autres stations, mais là où ils ont le plus tourné, c'était à la station Opéra. Donc, qui est une station ancienne. Oui. Dans l'histoire du métro parisien. Voilà. Ouais. Alors, puis, peut-être parler des personnages principaux. Voilà. Le personnage de Christophe Lambert, le décrire. Parce qu'il y a un look aussi très, très ciblé années 80. Ben, j'y reviendrai. Mm. La quatrième raison de revoir ce bois, c'est effectivement la personnalité des personnages. Mm. J'y reviendrai. Et leur look, justement. Oui. Peut-être déjà nous en dire deux mots pour nous donner un peu l'appétit. Leur look, en fait, je vais me lancer, je l'ai écrit dans ma chronique. C'est une plongée dans le monde de la marginalité. Et punk de l'époque, Dominique, je sais que t'aimes bien un petit peu c'est vrai que Christophe Lambert a les cheveux blonds platine. Il a les cheveux blonds platine, en pétard. Isabella Gianni, elle se fait une choucroute sur la tête. Ouais. Enfin bon, c'est des looks, effectivement. Jean-Luc Anglade, qui est le copain sympa. Jean-Hugues Anglade. Oui, c'est ça. Jean-Luc. Jean-Hugues. J'ai ma langue qui a fourché. Ouais. Jean-Luc Anglade, c'est le copain sympa. Il a une coupe. Le rollerman, oui, comme je l'appelle. Le patineur, comme dit Galabruc. Voilà, le commissaire l'appelle le patineur, mais moi je l'appelle le rollerman. D'ailleurs, ce film. Subway, là c'était un tandem effectivement Jean-Hugues Anglade, Christophe Lambert, mais qui a été repris dans Paroles et Musique avec Catherine Deneuve, où c'était là Richard Anconina qui faisait le tandem avec Christophe Lambert. Mais c'est un film à peu près d'une époque similaire, des débuts des années 80. Comment tu dis Paroles et Musique. C'est sûrement à voir aussi alors. Deli Chouraki avec Catherine Deneuve qui joue Margot, qui joue donc. C'est en fait eux, ce sont des chanteurs de rock, mais comme ça, de second plan, et elle va essayer de les lancer professionnellement, et il y a toute une histoire d'amitié entre eux, et puis un petit peu d'amour aussi avec Catherine Deneuve et tout ça. Mm-hmm. Et c'est un petit peu cette ambiance aussi des années 80, très marquée par les années 80. C'est palpable, mais c'est un film qui n'a pas démodé. Il était tellement futuriste à l'époque qu'il a démodé en rien. Ouais, en puis fait, c'est l'époque de Christophe Lambert aussi. Oui, Christophe Lambert marchait très bien au cinéma et Anconina aussi. On pénètre dans les secrets du métro et dans ses sous-sols. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le film, on ne voit pas une rame pleine de sardines serrées. Parce que, pas pour les sardines. Non, mais en fait, Luc Besson a ignoré le côté métro boulot dodo, c'est-à-dire des rames pleines, des gens qui sont aux heures de pointe. Oui, il a filmé il a fait un film où il y avait à peine de monde en fait, où c'était assez désert. Peut-être que Pascal a une réaction. Oui, d'ailleurs, la plupart du temps, le film se passe quand la station de métro est fermée. Les grilles sont fermées et ça se passe la nuit quand il n'y a personne. Oui. Entre 1h et 5h du matin. Alors, je vais quand même vous désigner un petit peu le synopsis du film. Oui. Ce bois est un drame policier de 85 de Luc Besson. Alors, après avoir dérobé des documents compromettants, un homme se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Une impitoyable chasse à l'homme, donc parce qu'il y a le commissaire qui va le poursuivre, le commissaire du métro. Pascal, il veut dire quelque chose. Non, en fait, je voulais dire en fait que Christophe Lambert, donc dans son rôle, il est amoureux d'une fille. Elena. Qui l'a invité à son anniversaire. Et le soir où il l'a invité, il va fracturer le coffre de son mari. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est recherché. Oui. C'est important de le dire parce que j'avais zappé cet aspect. Donc effectivement, il tombe amoureux d'Elena. Ah, il brise le coffre de son... Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'au début du film, on le voit se sauver en voiture. D'ailleurs, avec une voiture mythique de l'époque, la 205. Non, c'était la Golf GTI. Non, c'est la 205 GTI, en fait. Oui, parce que là, on est en plein dans les années 80. Tout à fait, oui. Donc voilà, une impitoyable chasse à l'homme s'organise. D'étranges liens donc, se tissent entre le cambrioleur, Fred, et la femme de sa victime, donc le monsieur dont tu parles, qui a le coffre, qui s'appelle Elena et qui est Isabelle Adjani. Alors, il se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro. Moi, j'ai mis ça entre guillemets parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, Besson ne s'attarde pas sur les quotidiens métro-boulot-dodo. Non, puisque c'est quand tu viens de préciser que c'est quand l'estation est fermée. Donc, ceux qui vivent souterrainement, ceux qui se cachent dans le métro. La vie nocturne du métro parisien. Oui. Alors, effectivement, César du meilleur acteur pour Christophe Lambert, meilleur son, meilleur décor. Donc, on l'a dit, c'est une plongée dans la marginalité. Alors, je vais vous donner la liste des acteurs principaux. Isabelle Adjani, Christophe Lambert, Richard Bohringer, Michel Galabru, Jean-Luc Anglade, Jean-Hugues Anglade, le rollerman, c'est Jean-Hugues Anglade, Jean-Pierre Bacry, c'est l'assistant du commissaire, Jean Reynaud, c'est le batteur, et il y a Christian Gamba, qui est Gros Bill. Alors, Gros Bill, il m'a impressionné parce que Christophe Lambert, je sais plus comment il s'appelle, Fred, le commissaire lui a passé deux fois les menottes et deux fois Gros Bill, alors qu'il est un grand baraqué avec des muscles partout. Il se muscle avec la fonte du métro. Ouais. Et du coup, alors Gros Bill, il lui casse ses menottes deux fois. À main nue, hein, comme ça. Oui. Il a un imper aussi. Il est toujours un imperméable, Christophe Lambert. Oui, il était l'imper belge, oui. Avec sa coupe un peu fun. Il avait débarqué dans le métro avec un costume à smoking et puis Bohringer lui dit tu vas te faire repérer. Mais c'est vrai que c'est le métro comme on l'a jamais vu en vrai. Alors, je vais vous faire une petite liste. Hein. Le rollerman saute d'une voie à l'autre, c'est impressionnant. Il échappe au commissaire en sautant. Il roule et il prend tellement de vitesse qu'il saute sur la voie du métro. Au-dessus des voies, oui. Bon, après, ça a évolué. Hein, parce que là, il faut bien préciser aux auditeurs que le film, il a plus de 30 ans. Et effectivement, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est fermeture, maintenant, ça a pas mal évolué avec la société qui a évolué. Malheureusement, le climat de terrorisme qui a évolué aussi. Ouais. Mais c'est vrai que la nuit, entre 1h et 5h du matin, c'est souvent les ouvriers qui changent des portions de voie, qui font des travaux sur certaines lignes. Ça doit être terminé à 5h du matin, dès que les premières rames se mettent en route. Quoi. Ouais. Parce que là, c'est la cadence après le matin, les gens qui vont travailler et tout. Alors, je vais vous faire une petite liste non exhaustive de tout ce qui est jamais vu. Donc, dans ce film, on voit les vapeurs du métro, les canalisations d'eau, le point de vue du chauffeur quand il conduit, les extincteurs. Le film devient vite un sujet sur le métro plus qu'un policier. Les rats. Alors, les acolytes dont on a parlé, ils vivent dans un squat, en fait. Ils ont organisé un squat dans le métro. Ils vivent là, c'est leur repère. Il n'y a qu'eux qui savent où ils sont. Les escalators n'ont jamais été tant filmés en ferraille, avec leur brillance et leur reflet gris-argent chatoyant, comme je disais. Les petits cafés dans le métro, les caméras de télé, à l'époque c'était encore des télés dans le bureau du commissaire, les souffleries, les couloirs, les grillages, les escaliers en fer, les placards du bureau, tout sale, du commissaire. Ce qu'on appelle le mobilier urbain, les équipements. Voilà, c'est ça, le mobilier urbain. Et c'est incroyable parce qu'on voit dans le bureau du commissaire, ces placards, ils sont tout sales, quoi. Ils ont tellement été usités. On y voit aussi les téléphones, les ascenseurs, les sorties de secours, les feux rouges et verts destinés à la circulation. Largement ce qu'on ne sait pas du métro. Ça, c'est dans les tunnels, les feux. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, parce que là, c'est très intéressant ce que tu es en train de nous citer, parce que c'est fourni de détails, mais après, tout le monde ne connaît pas le métro parisien. Moi, ça me parle. Oui. Ça me parle beaucoup. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que toute la structure au niveau des voûtes, au niveau des galeries souterraines, elle est d'origine. Mmh. Hein, et ça a été fait à la main. Mais moi, après, ça a été remodernisé. Alors, il y a les infiltrations. Parce que c'est un vrai gruyère, Paris, en fait. Dans le métro. Il y a le métro, c'est truffé de galeries. Il y a les égouts, il y a les collecteurs, tous les gros collecteurs d'égouts. Il y a tout ce qui est aussi électricité, câblage, tout ça. Enfin, c'est percé de partout. Oui. En dessous. Hein. Mais ça tient droit debout. Oui, alors il y a des quartiers où des immeubles se sont quand même affaissés. Ouais. Et qui ont dû être consolidés, évidemment, ce qui commençait. Et moi qui ai eu de la famille parisienne, je me souviens, dans certains appartements, on entendait le métro. On entendait les vibrations du métro dans des appartements un peu anciens, des immeubles un peu anciens. Mais alors, il y a une ville sous la ville, quoi, en fait. Oui, alors Jean-Baptiste, justement, une ville sous la ville et encore une autre ville sous la ville. Avec le RER, maintenant, qui est encore plus profond, s'il a 30 mètres de profondeur, il est encore en dessous du métro. Non, mais ce qu'on voit de ce bouet, c'est-à-dire qu'il y a le rez-de-chaussée dans la ville, Paris, il y a le métro qui est en dessous. Parce qu'il est en surface, donc la voirie. Oui, la surface. Mmh. Il y a, comme tu dis, le sous-sol, des couloirs de métro, mais dans ce bouet, c'est encore en dessous. Mmh. Ils vont dans les calasinisations, ils vont sur les voies ferrées, c'est plus... Les voies ferrées, elles sont au même niveau que les quais, en fait, mais pour accéder aux quais qui sont à 10-15 mètres de profondeur, automatiquement, puis c'est un enchevêtrement, il y a des voies dans un sens, d'autres qui passent par-dessus, mais on ne voit pas, tout ça, c'est fermé par des voûtes. Et puis tu as certaines lignes qui sont aériennes aussi. Voilà, c'est ça. Qui sont sur des ponts. Et ce bouet, il va dans ce qu'on ne voit pas. À un moment, Christophe Lambert, pour échapper au commissaire, se met sous la rame, en fait. Mmh. Et il saute. Tout dépend si c'est un métro à pneus. Alors, je crois qu'il montre un peu tout dans le film, je ne me souviens plus exactement. Mais le métro à pneus, les voies ne sont pas les mêmes, sont plus complexes et plus dangereuses. Mmh. Après, tu as la voie classique, c'est sur des roues d'acier. Quand les métros sont montés sur des roues d'acier, les roues à pneus, c'est une roue d'acier avec une roue doublée sur pneumatique. Mmh. Donc, ça permet d'aller plus vite, d'être plus silencieux et de porter d'avoir plus de charge utile en tant que voyageur. Ouais. Mais c'est vrai que il y a Paris, la surface, les couloirs du métro, et là dans ce bouet, c'est vraiment en dessous encore. Le squat, il est vraiment planqué en dessous. Oui, parce que tu as un certain nombre de galeries aussi de services, comme on appelle aussi, qui sont fermées au public, ou des sorties de secours au cas où il y a des incendies ou des choses comme ça. Il y a toute une partie du métro qui n'est pas usitée en temps normal par les voyageurs, mais il y a aussi une chose qu'il faut préciser, il y a beaucoup de stations fermées aussi. Mais qui sont encore dans leur état avec les bancs, mais qui ne sont plus utilisés par le trafic. Donc, soit on passe sans s'arrêter, donc on continue entre deux tunnels, parce que c'est quoi une ligne de métro ? C'est une succession de tunnels éclairés avec un quai, et puis de tunnels sombres, et ensuite de nouveau une station, et de nouveau un tunnel, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un terminus, quoi. Oui, en fait, la ville de Paris, elle s'est construite comme un millefeuille. Il y a une ancienne ville, après la nouvelle ville, et ainsi de suite. Donc, on construit toujours plus haut. Mais ce qui fait que dessous Paris, c'est un vrai gruyère. Moi, ce film-là, il m'a marqué justement, c'est le dépaysement complet quand on est dans ce film. Moi, quand je suis allé à Paris, j'avais ce bruit en tête et je rêvais de trouver les entrées des catacombes. Et de tous le sous-sol parisien, les catacombes d'ailleurs, en fait, c'est là. Qui ne font pas partie du métro. Hein. Non, non, les catacombes d'ailleurs, si j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, c'est là qu'on a stocké tous les anciens ossements des anciens cimetières de Paris. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Non, c'était. C'est vrai. Donc, ils ont continué d'agrandir Paris, de le moderniser, ils ont récupéré les anciens ossements qui étaient dans les anciens cimetières et ils ont fait les catacombes. Et ils ont empilé les crânes. Et d'ailleurs, on peut visiter les catacombes aujourd'hui. Ça se visite. Ça fait partie du tour opérateur de Paris, si on veut. Une visite charmante. Voilà. Moi, je l'ai visité. revisité il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. C'est vrai que c'est un peu, c'est funeste hein, comme comme ambiance, mais bon, c'est voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Pascal, par rapport à ces ossements, c'est pour illustrer un exemple de ce que tu as affirmé, ce qui est vrai, c'est quand ils ont par exemple, et ça rejoint ce que tu disais, Pascal, sur les catacombes, et ça te lie, ça lie aussi ce que je vais dire à ton sujet sur le métro. Quand dans les années fin des années 60, les Halles ont déménagé parce que les Halles avaient été là depuis les années, même avant 1850, mais les Halles, on va partir sur les Halles de Baltard, donc, qui avaient été construites par Victor Baltard, qui est un architecte qui a fait de la construction métallique. Donc c'était très à la mode dans les années 1850 sous Napoléon III. Il a fait construire ces fameuses Halles dans le premier arrondissement, donc sur cet immense carreau des Halles où il y a l'église Saint-Eustache, oui, qui est vraiment une église très populaire, qui est toujours évidemment là, où il y a des grands rois qui ont été baptisés. Donc c'est une église très ancienne, qui est très grande, qui a une très grosse nef. Et cet immense carreau des Halles, dans les années 1850, a été édifié les 16 pavillons de Baltard. Et pendant 110 ans, c'est là où il y a ce qu'on appelait le ventre de Paris, qui a été entre autres évoqué par Émile Zola dans son bouquin. Le ventre de Paris, donc c'était le plus gros marché en gros qui fournissait donc le poisson, la viande, les laitages, les légumes, les maraîchers, donc tout ça, aux restaurants parisiens, et qui nourrissait un petit peu Paris, et c'était tous les des exploitants extérieurs qui venaient de la Nièvre et qui arrivaient très tôt, enfin très tard le soir, et qui repartaient très tôt le matin pour venir vendre leur mais c'est au début il n'y avait pas le trafic parisien au niveau des voitures, mais une fois que la ville elle a évolué. Dans les années 50-60, c'est devenu insalubre cet endroit-là, parce qu'il n'y avait plus assez de place du fait de l'augmentation de la population parisienne, de l'augmentation du trafic et du tout voiture sous Pompidou, c'était une catastrophe, même déjà sous De Gaulle. Ce qui fait que il y avait, donc là où il y a le plateau Beaubourg, ce qu'on appelle le plateau Beaubourg, qui est là où il y a maintenant le centre Georges Pompidou. Ouais. Hein, ça c'était avant un énorme parking, un parking en surface, mais qui était un parking sauvage, pas aménagé. Donc c'était un peu avec des îlots d'immeubles insalubres autour. Et là, les camions venaient se garer dans les années 60 parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Parce qu'il faut savoir que les Halles, toutes les rues adjacentes étaient aussi remplies de déchets. Il y avait les rats. Il y avait tout qui se mélangeait. La population bourgeoise. Bon, c'est des quartiers populaires, mais il y avait quand même les bourgeois qui venaient manger au Pied de Cochon, qui est un restaurant assez célèbre, où il y avait les forts des Halles qui venaient à 3h du matin faire leur pause et se manger un steak, ou la soupe à l'oignon à 4h du matin. Ouais. Il y avait toute une vie parisienne, un peu le Paris populo. Mmh. Et cette vie-là s'est stoppée net quand, sous De Gaulle a décidé de construire Rungis en dehors de Paris et de déménager ces Halles et ce marché en gros, qui était beaucoup plus grand à Rungis à l'époque et qui était excentré par rapport à Paris. D'accord ? Mais on s'est retrouvé ensuite en 69 avec ce quartier désaffecté, mais qui a tué finalement un Paris populaire aussi. Et pendant 2-3 ans, ces pavillons-là ont été plus ou moins abandonnés, et ça a servi de foire, de marchand de brocante. Et petit à petit, après, ça c'est d'autres petites boutiques se sont mis à la place, et ces bâtiments ont été décidés par Pompidou à être rasés. Et les Halles ont été rasées. Donc ils ont non seulement, parce qu'il y avait ce projet du RER, pour en revenir à ton sujet, mais le Square des Innocents, qui est une petite place, la place des Innocents qui est juste à côté, quand ils ont creusé les Halles, donc quand ils ont enlevé les pavillons de Baltard, ils en ont sauvé un qui est allé en Chine et un autre qui est à Nogent-sur-Marne, qui sert le fameux pavillon Baltard qu'on voit dans l'émission. C'est le pavillon qui a été démonté et reconstruit exactement comme un pulse, quoi, comme un jeu de construction. Tous les autres ont été démolis. Mais après, il y avait des caves souterraines, il y avait des voûtes souterraines sous ces pavillons-là. Ça a été éventré et ça a été creusé jusqu'à 35 mètres de profondeur. Et on s'est retrouvé dans les années 70 avec le trou des Halles pour la gare RER, la fameuse gare de Châtelet-les-Halles, qui est évoquée dans le film que tu... voilà. D'accord. Et le Square des Innocents, il a été éventré aussi, et la Fontaine des Innocents, qui est un immense monument avec une cascade, il s'est retrouvé comme une dérique sur un pylône pour qu'il soit maintenu en hauteur, parce que tout avait été creusé autour. Et ils ont démoli aussi des bâtiments, des îlots d'immeubles insalubles autour, et ils ont reconstruit un petit peu du post-moderne. Et là, ils ont construit toute la gare en mille feuilles, comme évoquait Pascal. Ouais, et petit à petit, ils ont fait quatre étages, Et ils ont tout recouvert, tout refermé, avec les jardins Lalande qui ont été redémolis depuis, parce que tout a été réaménagé. Et bon, il y avait eu un premier aménagement du Forum des Halles qui vient d'être fait et réhabilité entièrement par la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec la fameuse canopée. Et puis, ils ont refait tout le jardin, ils ont tout réaménagé. Mais à l'intérieur, tout est en millefeuille. Et c'est là où tu as toute la concentration du RER et des métros, et qui redistribue intramuros et extramuros. C'est la plateforme vraiment du RER. Voilà. Et c'est à la place de ces halles. Donc, là où il y avait le Square des Innocents, c'était un ancien cimetière. Et ils ont retrouvé des ossements encore quand ils ont creusé, qui ont été remis dans les catacombes. D'accord. Ça livre aux deux sujets, en fait. Oui, oui. Voilà. D'accord. Oui, oui. Je propose peut-être de faire une première pause musicale et on revient sur ton film tout de suite après. Oui, on en reparlera quelques minutes. D'accord. Alors, on va s'écouter Eric Serra, donc, qui est un des compositeurs de musique qui compose, qui illustre le film et qui s'appelle It's Only Mystery. À tout de suite. When I know nothing good ever comes from lies. My heart is no beginner, but still I can lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away and never shows us the way. No. But I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Life is water, and love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. Mystery. Voilà, Eric Serra, It's Only Mystery. Eh bien, on continue avec Félicie qui nous parlait, à ceux qui viennent nous rejoindre. Bienvenue à tous, ceux qui prennent la radio en cours de route. On est dans Boomerang en direct jusqu'à 17h30, première émission de l'année. En votre compagnie, on parle du film Subway qui se passe dans le métro parisien, dans une époque assez charnière pour le métro parisien, où il s'est modernisé, informatisé avec cette histoire de Subway, avec Christophe Lambert, Jean-Hugues Anglade, Adjani entre autres, et puis tu citais aussi Bacri, voilà, d'autres acteurs connus, Jean Reno. Oui, Jean Reno, oui. Alors, on continue à t'écouter sur ce sujet-là. Alors, oui, ce bois a été beaucoup vu, beaucoup apprécié. Il ne démode pas, en fait, il ne prend pas une ride. Il y a des détails troublants. Il y a un moment dans le film, il y a dans une atmosphère tendue, les baguettes de Jean Reno énervent. Oui, je l'ai dit, hein, gros Bill, il sauve deux fois Fred des menottes avec sa force. Et la plus observatrice, en fait, est certainement Elena, la femme du film. Elle arrive dans le métro, elle a un peu un œil de lynx, parce qu'elle n'est pas habituée à prendre le métro, parce qu'elle est mariée à un homme riche, enfin, elle n'est pas mariée, mais elle vit avec un homme riche, donc elle n'est pas du tout habituée à ce métro. Et nous, ça guide notre regard, en fait. Luc Besson, il a... Ouais, Dominique. Oui, Dominique. Quand elle fait son entrée dans le métro, elle est en robe de soirée, elle est somptueuse. Là. Ah oui, oui, oui. Avec ses boucles d'oreilles en diamant. Là. Et en fait, Besson nous guide à travers Elena. Il nous guide dans notre regard des choses du métro. Justement, comme tu dis, Dominique, elle crée un tel décalage que il utilise le personnage d'Elena pour faire une rupture entre le métro et les gens qui sont souterrains. Pascal, tu as une réaction? Moi, je trouve qu'Elena, dans le film, elle a une situation où elle est vraiment très, très rebelle envers son mari, envers la position sociale de son mari, parce qu'à un moment, il mange chez le préfet, c'est là qu'elle fait sa coupe Iroquois. Et puis, elle discute avec la femme du préfet, et puis, à un moment, je sais pas ce qu'elle dit, la femme du préfet, elle pleure. Et l'autre, son mari dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit, bah écoute, c'est pas toi qui tape la femme du préfet pendant 3 heures. Et donc elle est complètement rebelle. Oui, puis elle lui dit soirée-là, elle dit à son mari, j'en ai marre de ton fric, j'en ai marre de tes combines, puis elle s'en va. Elle se sent étouffée. Elle le dit, je manque d'air, tu m'étouffes, tu m'écrases. Elle tombe amoureuse, en fait, de Fred, de Christophe Lambert. Et à un moment, dans le film, Christophe Lambert, il est tellement amoureux d'elle qu'il ne veut même plus de l'argent. Il veut juste garder sa photo où elle était enfant. Et elle a été déçue parce qu'en fait, il y a une autre... il a dit, je ne veux plus d'argent. Mais il y a le patin, le roller, justement, qui reprend l'histoire et qui renvoie une lettre sous le nom de Fred en disant qu'il voulait 50 millions. Et en fait, là, elle était malheureuse comme tout. Et en fait, c'était pas Fred. Lui, il s'en foutait de l'argent. Non, parce que c'est une histoire d'amour aussi, ce bouet. Hein. C'est une grande histoire. Il n'y a pas que l'esthétique du métro, c'est une grande histoire d'amour. Bon, c'est vrai que c'est un policier aussi, mais il draine l'histoire d'amour aussi. Mais c'est vrai que... Alors, moi, je pense que c'est drôle parce que... Enfin, c'est un peu cocasse. Elle dit à son mari, tu m'écrases, je manque d'air, tu m'étouffes. Et elle va aller dans le métro où, justement, il n'y a pas d'air. Et où on étouffe. Donc, c'est un peu cocasse, cette phrase. J'ai trouvé ça un peu cocasse. Et ce bois n'est pas devenu ringard. Elena va hurler sur son riche parti, donc comme disait Pascal. La cinquième, alors j'en viens à un point qui est très important, plus important que ce que j'ai dit jusqu'ici. Pour moi, la cinquième raison de revoir ce bouet est la majeure à mes yeux. Les personnages sont très peu sur le film, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des personnages clés. Parce qu'il y a beaucoup de films où il y a beaucoup de... Alors, Pascal, il y a beaucoup de personnages, ils ont tous un rôle clé. Je pense à Boringer, le fleuriste. Oui, le fleuriste. Si, ils ont tous une place très importante dans le film. Les personnages sont peu... Oui, et pourtant, ils sont peu, mais ils ont un rôle si fort et si déterminé que chacun est chargé comme un éléphant de la personnalité de son rôle. C'est-à-dire qu'ils ont ça sur le dos et ça passe très bien, ils le jouent très bien. Moi je dirais que ce bouet est 50-50, un policier et une œuvre d'art plastique cinématographique. Ça on peut pas le nier, il y a un esthétisme dans ce film, c'est incroyable. C'est un peu comme le paltoquet dont je vous parlerai un autre jour. Oui, c'est vrai que les personnages sont très très forts. Ils ont un impact. Le commissaire, il est bien odieux. Elena, elle est bien paumée. Le Rollerman, il est bien sympa. Le fleuriste, il est bien cynique. Tu parlais du fleuriste tout à l'heure. C'est vrai que le fleuriste est très cynique et il leur revendique. Enfin, il y a vraiment des caractères qui sont très très affirmés, très tranchés, qui ne sont pas en demi-teinte. Oui, d'ailleurs, c'est dans son rôle, Brohanger, il a un rôle un peu d'arnaqueur en fait, parce le fait qu'il lui dise, quand il lui a fait changer de costume, c'était pour récupérer le costume, parce que quand Elena descend dans le métro aussi, il lui demande aussi de changer de vêtements. Il essaye de récupérer la robe de soirée d'Elena. Ah oui. Oui, c'est un. Tu dis c'est un. C'est même un braqueur, parce qu'à un moment, ils vont braquer la caisse du métro, Boranger et Fred, pour pouvoir acheter les instruments et faire le premier concert du groupe qui veut monter. Oui, alors, ouais. Et d'où il ne peut pas être le chanteur, parce qu'il a eu un grave accident quand il était enfant, et il a eu les cordes vocales écrasées, et donc il ne pouvait pas être le chanteur. Mais il a été à l'origine. C'est Boranger qui ne pouvait pas chanter. Non, Fred. Fred, d'accord. À un moment, Elena lui demande qu'est-ce qu'il fait. Et il dit je veux monter un groupe de rock, ou je ne sais pas quoi. Oui. Je veux monter un groupe. C'est là qu'elle lui raconte l'histoire où il est enfant, où il a eu un accident de voiture. Oui, il a eu son accident, il lui montre sa cicatrice. Ouais, elle ne le croit pas, elle qui regarde s'il a la cicatrice. Sa cicatrice, ouais. C'est là qu'elle tombe amoureuse de lui, encore plus d'ailleurs. Oui, oui. Et c'est vrai que... oui, tu disais Boranger, il est aussi... D'ailleurs, à un moment, quand elle a brûlé l'arête... Quand Galabru recherchait Fred, donc il est allé voir le fleuriste, comme il lui est un peu indiqué. Et il dit, viens, je te prenne un coup. Et quand ils étaient en train de boire leur bière, on voit Galabru qui est en train d'enlever les bouquets de fleurs du panier un par un. Ouais. Et il y avait des choses dessous les fleurs. Oui, donc il a été obligé de dire ce qu'il savait. Oui. Mais d'ailleurs, ils vont engager... À un moment, d'ailleurs, pour te dire que c'est un gros roublard, c'est qu'à un moment, donc il y a les flics qui s'occupent de Fred, de rechercher Fred, et il y a aussi, on va dire, les gardes du corps du mari d'Elena qui descendent dans le métro pour l'arrêter aussi. Oui. Et à un moment, Boranger, il vend Fred en disant, il sera là à telle heure. Et... Juste après le braquage, il appelle le gars, il dit « tu t'es fait arnaquer de chasse en sac ». Mais tu disais que les personnages, les rôles des personnages étaient, étaient très très tranchés, très voilà. Ouais. Mais quand tu regardes les acteurs qui les incarnent, ce sont déjà des acteurs qui sont très typés, très ciblés. Oui. Que ce soit Jean Reno, Boranger, même Adjani, sont vraiment des acteurs qui ont vraiment eu des carrières ensuite, par la suite, dans des rôles bien précis. J'ai vu quand même sur Wikipédia, Cri aussi d'ailleurs. Je me suis pas basée sur Wikipédia pour dire tout ce que je vous ai dit, mais à part pour le synopsis et les dates, la date de sortie et les acteurs. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire Par rapport aux personnages du film Je ne sais plus. Ah ben ça te reviendra. Oui. Ça te reviendra. Parce que... si, c'est ça. C'est, en fait, Luc Besson, il avait choisi Charlotte Rampling et Sting pour jouer les premiers rôles. Ils auraient pu. Aussi, même si, Charles Trampling a une carrière effectivement cinématographique, pas Sting, mais c'est vrai qu'ils auraient pu. Parce qu'il y a eu une défection des deux, en fait, ils ne s'accrochaient pas, et donc il a choisi Adjani et Christophe Lambert. Ah ouais. Mais enfin, Charles Trampling, à cette époque-là, dans les années 80, elle faisait beaucoup de films à l'étranger. Parce qu'elle a une carrière internationale. Charles Trampling, elle est anglaise, mais elle a travaillé à Hollywood, elle a travaillé en France, en Italie aussi. Bon, maintenant, elle fait plus une carrière un peu française. Mais elle a une carrière extrêmement partagée, assez internationale, outre-Atlantique. Donc peut-être qu'elle n'était pas dispo non plus. Oui, c'est ça. C'est une elle a une filmographie, Charlotte Rampling, qui est assez atypique aussi, assez audacieuse aussi. Enfin voilà, j'en ai fini pour ce bouet, mais c'est vrai qu'il y a eu 3 millions d'entrées en 85. Ouais, ça a été un vrai succès en 85. C'est un vrai succès, et c'est une œuvre esthétique. Il y a une histoire d'amour, il y a du policier là-dedans. Du décalage un peu aussi. Du décalage. Un peu, tu veux en parler, Dominique, non, ça non. Si, tu t'es lancé maintenant, ça y est. C'est ou tout ou rien, hein, Radio Gémozo. C'est des marginaux, quoi. Ils sont en décalage. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans ce film, Dominique, Savoie? J'aime bien l'ambiance du métro. Et puis, c'est rat de métro, enfin, ces personnages qui vivent là. Et, un peu souterrainement, quoi. Ouais, marginaux. Quoi. Marginaux, ouais. Pascal? En tout cas, c'est un film dont le scénario ne prend pas une ride. Hormis le tout début du film où, où tu vois les voitures des années 80, tout pourrait se passer aujourd'hui, ça serait pareil. Bon, quand tu connais le métro, vraiment, moi j'y vais régulièrement, au niveau des décors, rien que les tourniquets, tout ce qui est matériel urbain et tout ça, il a encore extrêmement évolué au niveau sécurité, au niveau système et tout ça. Ouais. Moi j'arrive à dater, on sait que ça a 30 ans. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'évolution esthétique entre 1985 et 2018-2019 qu'entre 1985 et 1960. Voilà, où là il y avait encore les poinçonneurs de tickets, c'était encore les tourniquets à main, où on rentrait dans la station, il y avait une cabine avec un guichetier à l'entrée. Je vous dis, ça s'est vraiment automatisé, ça a commencé à s'automatiser dans les années 70-75, à partir de 1975-76-78, et puis bon, après les années 80, effectivement. J'ai entendu, le ticket de métro va disparaître. Ouais. Alors il a été rose, ensuite il est devenu jaune, après il a été vert, c'est comme les rames de métro, elles ont changé de couleur. Les premiers métros, les rames étaient en bois, c'est ce qu'on appelait les rames, c'était des rames Thomson Sprague. C'était la marque de ces rames-là, et elles ont roulé, elles ont un petit peu évolué, mais elles étaient vertes, les wagons étaient couleur verte en seconde, et couleur rouge en première. Maintenant, il n'y a plus de distinction de classe dans les rames actuelles, mais à l'époque, si. C'était des ampoules, je me souviens, l'intérieur, c'était lalique, la décoration. Lalique, carrément, avec le liseré. C'était des ampoules à douille qu'on pouvait arracher en tant que voyageur. Enfin, c'était un truc qui ne serait plus aux normes du tout maintenant. Bah, oui. Les sièges étaient déjà anti-vandalisme, c'était des lattes de bois. Eh bien, moi, je les ai connus, vous allez sursauter, jusqu'en 82. Sur la ligne Croix-de-Chaveau, Chaussée-d'Antin, Mairie de Montreuil et tout ça, cette fameuse ligne, c'était encore les rames Sprague qui dataient de 1930, 1940, 1950. Hein. Il y avait déjà des nouvelles rames, parce qu'il y a eu les MF-72, les MF-73, donc c'était après des rames plus modernes, qui ont ensuite évolué encore. Après, il y a eu aussi le BOA, qui avait une intercirculation, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un wagon à l'autre. Et il y a des lignes qui sont automatisées, je ne sais plus lesquelles exactement. Ouais. Je crois que c'est sur Vincennes, mais je ne suis pas sûr. Et on ne peut plus accéder au quai, c'est-à-dire que le quai est fermé par rapport à la voie. On ne peut plus se jeter ou tomber sur la voie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une barrière avec des portes coulissantes. Quand la rame arrive, elles se synchronisent, les portes d'entrée des wagons se synchronisent sur les portes d'entrée ou de sortie du quai, et ça se s'ouvre en même temps. Donc il y a une sécurité, et les rames sont sans conducteur, elles sont pilotées à distance. D'accord. Donc ça peut faire un peu peur. Pascal ? J'ai une petite anecdote, comme on est à Paris, je vais parler de la Tour Eiffel. En fait, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps qu'il y a un cow-boy célèbre, en fait, qui est monté sur la Tour Eiffel. Comment il s'appelle ? C'est Buffalo Bill. Alors, je ne pensais pas qu'ils étaient à la même époque, mais en fait, pendant l'exposition universelle, Buffalo Bill, à la fin de sa vie, il avait monté un cirque où il faisait un spectacle sur le Far West. Donc, il avait fait venir son cirque à l'exposition universelle, et donc Buffalo Bill est allé visiter la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle date de 1889, donc effectivement, hein, parce que c'était pour l'exposition universelle de... Il a fait fort à la mot, Buffalo Bill. Oui. Il a fait la Tour Eiffel aussi. Sachant que la Tour Eiffel devait être démontée à l'issue de la fin de l'exposition, là. D'accord. Et comme il y a eu comme elle mesurait 300 mètres de hauteur, et elle mesure toujours, elle a un peu plus maintenant, ils se sont aperçus, comme elle est restée longtemps debout, ils se sont aperçus qu'elle pouvait servir de relais, parce qu'il y avait évidemment les balbutiements avec le capitaine Ferrier, qui avait fait des essais depuis la Manche en faisant des liaisons avec la Tour Eiffel. Ils ont vu qu'elle pouvait être un pylône émetteur et récepteur. Et comme c'était la radio, il y avait déjà Edison, tout ça, et ben c'est là qu'ils se sont aperçus que effectivement, elle aurait une utilité. Et donc là, Gustave Eiffel, qui avait déposé évidemment, qui n'en était plus propriétaire mais dépositaire, il a fait faire ce qu'on appelle une perpétuité de 30 ans pour qu'elle ne soit pas démolie. Et ensuite, elle a été plus tard classée par la famille les successeurs de Eiffel. Elle a été classée monument historique. Elle est devenue monument mondial de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis elle est devenue un des monuments les plus connus au monde et le plus visité. Donc maintenant elle fait 324 mètres parce qu'après il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'antenne. Et il y a eu la radio, la TSF qui s'est installée. Il y a eu beaucoup de travaux, oui, parce qu'à une époque ils avaient tellement mis de restaurants et de boutiques dessus qu'elle était trop lourde. Ouais. Donc ils ont tout détruit pour l'alléger parce qu'elle était devenue trop lourde. Elle fait 7000 tonnes, ce qui est très léger par rapport à sa volumétrie. En sachant qu'un paquebot, par exemple le paquebot France qui faisait 300 mètres de long, il faisait quand même 10 fois plus, quoi. Donc c'est une plume en fait, c'est une plume par rapport à sa volumétrie. Et alors il y a un secret au niveau de la peinture, les contrastes, les couleurs de peinture, elle a évolué. En 1889, elle était rouge, jaune et elle avait un dégradé. Pourquoi ? Parce que vous regardez, elle est en forme de, un petit peu de, d'entonnoir. Dans les années et quoi, donc les poutrelles, dans les années 1890, et donc les poutrelles se resserrent. Donc la peinture en fait est beaucoup plus foncée à la base et devient de plus en plus, se dégrade à chaque étage en une teinte plus claire. D'accord. On n'a pas cette impression comme ça que ça devient de plus en plus noir, parce que du fait que les poutrelles sont plus serrées, se resserrent, ben ça fait un contraste à l'œil nu qui ferait plus foncé. Et c'était une esthétique, donc il avait même réfléchi à ça, Eiffel. Et donc du coup, après elle est devenue brune, espèce de couleur un peu brune, et c'est, les secrets de la teinte sont toujours secrets. Voilà. Et il y a un dégradé, c'est refait tous les 7 ans, parce que c'est du fer, donc ça rouille. Ben moi j'avais un petit... Et elle est riftée, elle n'est pas soudée. Ouais, j'avais un petit porte-clés en tour Eiffel, ça faisait comme de la ferraille, c'était couleur cuivre en fait. Je sais pas. Alors elle a eu ses détracteurs, hein. Il y a des poètes, il y a des tas d'écrivains qui l'ont décrié, qui ont dit que c'était vraiment une verrue. Mais comme pour le Centre Beaubourg, là j'évoquais tout à l'heure le Centre Beaubourg qui a été inauguré en 77, c'est pareil, c'est vraiment une usine à gaz. Hein, quand on... Il n'est pas très beau d'ailleurs. Non, mais c'est ce qu'on appelle le brutalisme, c'est l'architecture brutalisme, même qu'en peinture, c'est-à-dire qu'on montre tout ce qui est technique, c'est un bâtiment qui est transparent. C'est-à-dire qu'il est transparent au sens figuré comme au sens propre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toute sa structure technique. Normalement, quand tu construis un bâtiment, dans une classique, tu caches tout ce qui est les gaines d'aération, les canalisations, l'électricité, les soubassements. Là, on voit tout. Oui, bah Frank Lloyd Wright, qui a fait le Art Museum à New York, comme tu dis, il cache tout ce qui est tout ce qui est peinture. C'est des Italiens d'ailleurs qui ont été. Il y a eu toute une campagne qui a été lancée d'architectes. C'est Piano et Rogers, je crois, qui l'ont créé, qui ont été retenus leur projet. Mais c'est un bâtiment, qui. Mais alors, ce qui est extraordinaire, il est peut-être pas beau. Alors après, chacun. Mais il est amovible à l'intérieur, donc il a des cloisons qui peuvent être bougées. Et remuer, donc les espaces peuvent changer en fonction des expositions et de ce qui s'y passe. Et par contre, la terrasse qui est à 50 mètres, on voit une vision sur Paris à 360 degrés. On voit tout. On voit le Sacré-Cœur, on voit Notre-Dame de Paris, on voit les tours de la Place d'Italie, on voit la tour Montparnasse, on voit le Mont-Valérien, Carrière-sur-Seine. On a un champ vraiment sur Paris qui est extraordinaire, et comme on est suffisamment haut, on dépasse les toitures des immeubles, donc on voit vraiment tous les monuments qui émergent, et la tour Eiffel. Le Trocadéro, tout est aligné dans le même axe. Ouais. D'ailleurs, les immeubles haussmanniens avaient une longueur, une hauteur qui était bien définie, il ne fallait pas dépasser. C'est le baron Haussmann qui les a créés. Hein. Mais vous savez que les grands axes en fait, qui ont été faits par le baron Haussmann étaient faits aussi à cause de la Révolution française. C'est-à-dire que les grandes rues comme ça permettait aux canons de tirer dans la rue. Ça a été fait après la Révolution française. Oui, après. Baron Haussmann, c'est Napoléon III. Et donc, c'était des grandes avenues pour qu'on puisse tirer au canon sur les gens s'il y avait des soulèvements. Oui, et puis ça a fait disparaître, malheureusement, ou heureusement, il y a encore quelques petits quartiers, je vois, vers le musée Carnavalet, vers l'hôtel de Sens, dans le Marais, où il y a encore des parties moyenâgeuses, des maisons en corbellement, mais le baron Haussmann a fait raser des îlots entiers d'immeubles moyenâgeux. Avec les encorbellements, les poutres. C'était pour une question d'hygiène aussi. Aussi, parce qu'il n'a pas créé que ces fameux immeubles à balcon et à étage. Il a créé les voiries, les becs benzènes, c'est-à-dire les lampadaires, les égouts. Ouais. Il a créé tout ça aussi. Hein. Donc il a pas taillé dans le détail. Hein. Il a tracé l'avenue de l'Opéra, parce que tu évoquais dans le film Subway, la station de l'Opéra, qui est une des premières avenues qui a été créée par Haussmann. Avec le palais Garnier, le palais de l'Opéra, mais mais ça a révolutionné effectivement la physionomie de Paris. Hein. Mm-hmm. Et ça y est, et c'est toujours C'est très haussmannien, Paris. Mais d'ailleurs, oui. Tu regardes toutes les grandes villes de France, que ce soit Strasbourg, il y a des bâtiments haussmanniens aussi. Oui, mais maintenant, est-ce que ça ne se détériore pas maintenant les... Bah, c'est des immeubles de pierre de taille quand même. Alors le souci, c'est que les appartements sont très chers, font plusieurs millions d'euros, ces appartements-là, avec des moulures au plafond, des plafonds à 3,50 m ou 4 mètres. Le problème, c'est qu'il y a énormément de couloirs. Donc les appartements maintenant qui ont été refaits quand même dans les années 80-90, qui sont proposés à la vente, ils ont cassé des cloisons en fait. Mais avant, si tu veux, comme c'était des appartements de bourgeois, tu avais les cuisines qui étaient au fond du couloir, et la bonne ou le room, ils étaient obligés de traverser tout le couloir pour venir dans la salle à manger et le salon servir le repas ou le thé au propriétaire. Mais maintenant, ça ne correspond plus, ces appartements-là, au mode de vie que les gens, les bourgeois, même ont aujourd'hui. Donc, les appartements ont été entièrement refaits. Alors, ils ont gardé la structure des vieux parquets style Versailles ou Pointe de Hongrie, mais ils ont les moulures et tout ça. Les cheminées en marbre et tout ça. Mais... souvent, c'est des cuisines ouvertes. Ils ont abattu des cloisons, ils ont refait les salles de bain autrement. Les personnes de notre époque remanient des maisons. Même en banlieue, je vois, j'ai des fois sur un magazine de décoration que je ne citerai pas, on voit des petites maisons de banlieue qui sont refaites. Oui, alors après ça, si tu parles des pavillons, les pavillons parisiens, en pierre de Meulière. Alors là, c'est les petites maisons. Mais je parle aussi des appartes dans la capitale, je veux dire. Tu as plusieurs types d'architecture. Tu as beaucoup de patrimoine haussmannien, surtout sur les grosses artères. Mais après, tu as des immeubles plus anciens avec des toits en zinc qu'on peut trouver dans l'île de la Cité ou dans le quartier du Marais. Il y a aussi des parties encore moyenâgeuses, comme la place des Vosges. La place des Vosges, c'est Louis XIII. Et vous savez pourquoi justement ils l'ont appelé la place des Vosges? Bah, tu vas nous le dire. Parce que c'est le premier département à avoir payé ses impôts. Voilà, petite anecdote. Voilà, on va enchaîner tout de suite. Pas de pause musicale tout de suite. Ça sera Dominique qui nous proposera la deuxième pause musicale. Merci à toi, Félicie. On enchaîne avec l'ami Dominique qui va nous parler de littérature après cinéma, pour ne pas changer les habitudes, avec un livre qui s'appelle « Reviens ». Alors, un livre de Samuel Benchetrit, qui est connu aussi pour être réalisateur au cinéma. C'est alors, on t'écoute. Samuel Benchetrit est écrivain, dramaturge, scénariste, réalisateur. Voilà. Et donc, j'ai lu son roman qui vient de sortir, le dernier, le Reviens. J'ai beaucoup aimé ce livre, tellement qu'à la fin, je l'ai embrassé. Il parle d'amour, tu m'avais dit en antenne. D'amour paternel pour son fils. Donc, son fils part pour un grand voyage et lui, écrivain, est en perte d'inspiration depuis le départ de son fils, pour lequel il s'inquiète beaucoup. Et donc, il occupe ses journées... Il se traîne un peu, quoi. Il a du mal à se lever, il dit, il se recouche le matin et tout. Il reçoit un coup de fil d'un producteur qui veut faire une série de son dernier livre, mais il n'en a plus d'exemplaires et il cherche partout. Il écrit à Amazon qui lui renvoie toujours des erreurs. Enfin, il y a toujours des erreurs au niveau de l'expédition, ça part pas. Il regarde tous les jours sur son smartphone. Et donc, finalement, le seul lieu où il trouve le dernier exemplaire de son livre, c'est dans une maison de retraite. Il va à la maison de retraite parce qu'il y avait sa seule admiratrice qui lui avait écrit un mot d'admiration, quoi, pour lui, pour son bouquin. Et donc, il se retrouve dans cette maison de retraite. Il fait la connaissance d'une jeune infirmière qui est bègue. Et puis, il fait la lecture aux personnes âgées en tant que bénévole. Enfin, ça, en gros, les grandes lignes du livre. Il y a aussi, il est un peu naïf au niveau des correspondances avec soit Amazon, soit avec un certain Paul Blanchot. Vous savez, c'est les arnaques qu'on reçoit souvent sur Internet, par mail. Il croit que c'est quelqu'un qui a besoin de lui, qui doit sauver, donc il se met ça en tête. Puis son fils, par email interposé, il lui dit, mais non, papa, c'est une arnaque. Mais jusqu'au bout. Alors, il croit que c'est son inspecteur des impôts. Et tu le connais qu'à travers ses bouquins ou tu apprécies aussi son cinéma? Oui, j'ai vu, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Et il y a un film qui est sorti qui paraît qui est pas mal, que j'aimerais voir, mais ça s'appelle Le Chien. Il a écrit aussi qu'est-ce qui t'a animé en fait dans ce livre et pour porter à nous en parler jusqu'à l'antenne. C'est pas du tout prétentieux quoi, c'est même il se dénigre un peu, enfin il se flagelle un peu. Il est pas tendre avec lui, il dit toujours qu'il est un peu idiot. Ça t'a bien aimé. Oui. Et c'est vraiment plein de tendresse, de poésie et c'est super quoi. Alors peut-être une léger, réaction mais dans le Félicie. Bon sens du terme. Félicie, peut-être tu l'as lu le livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Ben, le chien, c'est un film tiré du livre. Et il a fait un film d'un livre qu'il avait écrit, oui. D'accord. Et en fait, il y a une histoire d'amour entre le jeune et l'infirmière Bègue. Ben oui, lui, l'écrivain et puis l'infirmière Bègue, il dit il aime ses silences. Ses silences parlent et puis... Ouais. Voilà. C'est touchant, il y a beaucoup de tendresse dans ce livre. Enfin, c'est un gros cœur. Et tu dis c'est modeste, non, c'est quoi tu pas prétentieux. C'est pas prétentieux, voilà. C'est le mot. Je suis en train de regarder. Là, c'est extrêmement narratif. Là, je regarde. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de. En fait, j'ai l'impression. Bon, j'ai pas lu le livre, hein, mais j'ai le sentiment qu'il a écrit ça un peu comme un scénario de film, du fait qu'il est, il a les deux casquettes. Oui, oui, je pense. Ouais. Hein, parce que là, la manière dont il parle, c'est très fourni en dialogue. Oui, oui. En fait. En décalage humoristique ouais, aussi. Ouais, et on a presque déjà l'impression, peut-être, nous lire, ça serait sympa. Je commence par le début. Pour donner envie aux auditeurs, peut-être de se procurer le bouquin et puis de le lire. Le début, Dominique, puis après, plus loin. Les premiers paragraphes. Je notais toujours les mêmes phrases dans mes cahiers, des sortes de promesses que je ne tenais jamais. Les plus belles étaient écrites le soir ou au milieu de la nuit, où je me jurais, imbibé de whisky, de ne plus jamais toucher une goutte d'alcool, et ça dès le lendemain, et aussi de faire du sport, d'être doux, économe, travailleur, tolérant, discipliné, propre, d'aller chez le dentiste, de me rendre à pied au rendez-vous, de donner rendez-vous à plus de 15 minutes de chez moi, d'être courageux, souriant, voyageur, curieux, spirituel, silencieux, attentif, cuisinier, raisonnable, endurant, déterminé, déterminant, d'aimer la pluie, c'est les bon, grandes ça. Chaleurs, les fruits, le poisson, le tourisme, les films en couleur, les films récents. Parfois même, je signais ses vœux, signature solennelle adressée à je ne sais qui à l'intérieur de ma tête. Il devait bien y avoir quelqu'un, mais nous n'avions jamais été présentés. Je laissais le cahier ouvert, histoire qu'il soit parfaitement visible à mon réveil. Au plus fort de ma détermination à évoluer, je le posais carrément debout contre la machine à café, et le jour arrivait et je retrouvais mon cahier, et déjà cela me paraissait moins formidable. Moi, je gardais encore un peu de compassion pour l'ivrogne de la veille. Je voulais le respecter, le considérer comme une sorte de prophète touché par une grâce à 40 degrés. Je limitais ma consommation de café à 10 au lieu de 15. Je ne fumais pas avant d'avoir bu une première gorgée. Je relisais mes promesses. La première, être propre. Soit commencer cette journée par une douche ou un brossage de dents. J'étais assez motivée, mais mon corps manquait maladivement de nicotine. Une cigarette avant le grand nettoyage n'y changerait rien. En général, je la fumais aux toilettes, dans cette pièce de 2 mètres carrés, la plus froide de l'appartement, à cause de la fenêtre ouverte en permanence. Ouais, c'est très, très descriptif. Hein. Ouais. C'est drôle. C'est un langage vivant. Assez fleuri aussi, enfin, pas au sens vulgaire. Mais c'est au un sens... autodidacte. Ah, souvent c'est les meilleurs. Allez, on va les défendre. Ben moi, franchement, c'est un livre qui m'attire. Ouais, mais comme je disais, je persiste et je signe. Rien que là, les extraits en plus que tu as lus, on sent vraiment que c'est très narratif. On est déjà presque dans un scénario. Quoi. Moi, je m'y sens, en fait. J'ai l'impression qu'il me décrit un peu. Ben, c'est pour ça, je te dis, c'est comme, il écrit ça comme un scénario de film. Puisque les réalisateurs, ça se sent. On peut très bien se projeter dans le personnage. Ben oui, mais comme un scénario de film, c'est pareil. Quand tu commences à lire ton rôle et puis les rôles autour, c'est exactement incarné, ça. Quoi. C'est déjà incarné. Tu as déjà les décors, tu les vois, tu vois les gestes, les faits et gestes. Les habitudes, la nature du personnage, comment il est, s'il est angoissé, pas angoissé, les petites habitudes, tout ça. C'est extrêmement narratif. Mais ce qui me retient, en fait, dans ce livre, c'est le côté... Il aborde ça avec drôlerie, quoi. Oui, c'est très humoristique. C'est un peu caustique, non, oui, c'est de l'autodérision. Enfin, je trouve qu'il rigole de lui-même. J'ai un autre extrait, là. Bon, je prends au hasard, en plein dans le livre, à page 80, là. Je fouillais le tiroir sans trouver la lettre en question. Je le vidais entièrement et triais les lettres une à une. Entre parenthèses, phrase, ce qui me refit de la peine et me contraria. Pas d'admiratrice en vue. Je restais un moment au milieu du salon devant ces centaines de réclamations financières et artistiques à me demander où j'avais pu ranger cette lettre. J'écrivis un mail à mon fils. « Salut mon grand, sais-tu où j'ai rangé la lettre que m'avait envoyée mon admiratrice ?» PS, j'ai regardé dans le tiroir, APV, elle n'y est pas. Tu me manques, oui, papa. Il y a plein de PV moi, aussi. Moi, c'est très... Oui, oui. Je remis en place le courrier antipathique et cherchais ailleurs la lettre de la bonne femme. D'abord dans des endroits possibles, les tiroirs de mon bureau, l'intérieur de mes cahiers, mon sac d'ordinateur, puis des lieux improbables, sous les magazines, dans les toilettes, justement pour en revenir aux toilettes. Sous les coussins du canapé, sous le tapis du salon, dans ma trousse de toilette, le tiroir vide de médicaments, le frigidaire, mon téléphone vibra, mon fils me répondait « Salut papa, regarde dans le manteau que tu portais la dernière fois que tu as vu ton éditeur, je t'aime. » Hein, c'est... Ouais. On s'y croirait, on se voit, on se voit. Moi, je suis carrément de. J'imagine dans un appart, je vois le gars où je me vois. C'est... Moi, j'ai cherché très... récemment, enfin, je ne veux pas raconter ma vie, mais j'ai cherché une photo lundi. Je ne la trouvais pas, je l'ai cherchée 3 heures l'après-midi jusqu'à 7 heures. J'ai commencé à angoisser. J'étais dans un état. J'en étais malade et je l'ai retrouvée, cette photo. Pascal ? Je vais vous parler un petit peu de Samuel Benchetri, quand oui. même. Oui. Il est né en 1973 à Champigny-sur-Mars, dans un milieu modeste. Son père d'origine juive est serrurier et sa mère d'origine gitane est coiffeuse. Il met un terme à sa scolarité à 15 ans pour se lancer dans la vie professionnelle. Accumulant les petits boulots, il travaille par exemple comme assistant photographe ou comme ouvreur de cinéma. Comme quoi, c'est bien en tant qu'autodidacte. Dans ses premiers livres... Ah oui, c'est un autodidacte. Il a écrit Chronique de l'asphalte, il part de la banlieue où il a grandi. Son premier roman, c'est Récit d'un branleur et réaliste Nouvelle de la Tour. Récit d'un branleur, le premier roman. En 2000. Le titre est planté. Ouais, voilà. Donc, effectivement, c'est. Oui, il a 45 ans. Ouais, oui, à peu près. Il a mon âge. Voilà. Jeune comme toi. Alors. Non, enfin, c'est très frais. Enfin, c'est très. Ouais, bon. Ouais. Alors, ouais. Tu vas nous parler d'un autre livre, mais pour garder le suspense, on va d'abord s'accorder une pause musicale avec un choix, Dominique, que tu nous as proposé. Le groupe Tears for Fears, Shout, titre connu. Shout, shout. Voilà, Tears for Fears, Shout, titre emblématique que tout le monde connaît. On disait hors antenne avec Félicie qu'il y a effectivement des similitudes avec ce qu'a pu produire Dépêche Mode. Mm-hmm. On ne sait pas lequel a inspiré l'autre. C'est les années 84-85. Voilà. On est dans l'époque du film d'ouverture de Subway que Félicie nous a dit en ouverture, oui. Nous a narré l'histoire. Ouais. Alors, on se retrouve pour la dernière ligne droite dans Boomerang avec Félicie, Dominique, Pascal et moi-même Jean-Baptiste. Oui, Félicie ? J'ai une question à poser à Dominique sur son livre qu'elle nous a présenté. Sur le livre donc de Samuel Benchetrit revient. Benchetrit, oui. Je voulais te demander, Dominique, comment ils se sont rencontrés, Vanessa Paradis et lui ? Ah ben, c'est le showbiz, je sais pas. Ça, c'est les tabloïds, après, c'est la vie privée, c'est autre chose. Ouais, ça m'intrigue quand même. Moi, je connais le Benchetrit au travers de ses romans, mais pas... Au travers de sa vie privée, moi non plus. Après, sans les connaître, ils évoluent tous les deux dans le milieu du cinéma, du showbiz. Oui. Donc, forcément... Mais lui est très autodidacte, alors que Vanessa Paradis a quand même une... Elle n'a pas fait d'études. Vanessa Paradis est autodidacte aussi. Oui, autodidacte. Et elle a fait du cinéma d'auteur aussi. Ouais, donc, il y a le showbiz, c'est un milieu très fermé et puis très restreint quand même, de ceux qui brillent vraiment. Ils sont trouvés, Donc voilà, après, c'est des rencontres peut-être au départ artistiques, où il y a des coups de cœur artistiques, et puis ensuite, on se fréquente en dehors, on devient amis, et puis après, c'est la magie de l'amour. Bon, après, ça, voilà, c'est comme ça, c'est leur vie privée. Mais bon, ils font tous les deux, ils mènent des carrières intéressantes. Ouais. Ça va pour eux, quoi. Ça va pour eux, on va dire, voilà. Bon, Vanessa Paradis, Vanessa Paradis a peut-être plus une image de star que Samuel Benchetrit. Comme dans les couloirs du métro, ça balance pas mal à Paris. Ah ouais, mais ça c'était le couple Michel Berger, un autre couple mythique, fort connu, Michel Berger et France Gall, dans une autre époque. Bien, alors un deuxième livre, Dominique, aujourd'hui, tu es venue avec deux bouquins sous ton coude. J'ai fait dans l'humour pour cette semaine. Alors là, on n'est plus avec Samuel Benchetrit, mais avec Jean-Paul Dubois. Oui, Jean-Paul Dubois, voilà. Je sais pas qui c'est. Et le titre est un peu plus long, « Vous plaisantez Monsieur Tanet », c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, raconte-nous cette histoire. Tanet. Alors, ce Monsieur Tanet hérite d'une maison de son oncle. Mais c'est un vrai chantier parce qu'il faut qu'il retape tout. Alors il fait appel à des ouvriers, des professionnels même, enfin qui sont pas toujours, qui travaillent des fois peut-être au black. Mais c'est un truc de fou quoi. Ça faut pas le dire. Même si c'est connu. Même si c'est dans le livre. Il a vraiment des péripéties avec tous ces ouvriers. Du bâtiment, de la plomberie zinguerie jusqu'à l'électricien. Faire cohabiter la synchronisation de tous les corps de métier. Des maçons déments, des couvreurs délinquants, des électriciens fous. À la fin, ça termine avec l'électricien. Alors, il dit c'est un brave type, il est gentil, mais chaque fois que je lui dis d'un truc de faire attention, il part là-dedans et il se met les pieds dans ce qu'il faut ou pas, quoi. Et puis, il le console de son chagrin d'amour. Qu'est-ce qui t'a amusé le style, c'est assez basé sur le style, parce que pour raconter des travaux et tout ça... C'est très narratif aussi, c'est le point commun qu'il y a peut-être entre les deux livres que tu nous présentes aujourd'hui. Je vais lire un petit extrait. Avec plaisir. Tout que je trouve le bon. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un bouquin qui se lit vite. Il est peut-être un petit peu plus court que l'autre, écrit gros aussi. Ça a l'air d'être très narratif aussi. C'est des petits chapitres, sachant. Vas-y, propose-vous ça. Urgence. Il ne me restait plus alors qu'à accomplir le geste que font tous les naufragés du bâtiment. Ouvrir les pages jaunes de la boutique couverture, choisir le plus gros encart commençant par un spécialiste rénovation, intervention en urgence. Et attendre en essayant de rester calme les secours. Ils arrivèrent en début d'après-midi le lendemain. L'évaluateur du donjon de Lindbergh visita toutes les pièces, monta à l'étage, grimpa sur le toit, manipula quelques tuiles, tâta la charpente, la volige, exactement le fatras de zinc, les soudures, puis me dit « Je suis désolé, mais il faut tout reprendre à zéro. » Parce qu'il venait de se faire arnaquer par des... Mais ça, tu sais que c'est la réalité. Quand tu fais un chantier, ça me fait penser au sketch, excuse-moi, là je fais une petite parenthèse, au sketch de Muriel Robin. Oui. Où il branche l'eau chaude sur la chasse d'eau. Oui, c'est ça. Je ne peux même pas récupérer les plaques de zinc. Elles sont coupées n'importe comment. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un vrai saccage. Elle est soudure. Il n'y a pas de soudure. Le zinc a été chauffé, c'est tout. Il n'a même pas été décapé. Tenez, vos ouvriers ont oublié leur outil là-haut. Ils sont fichus. Regardez, ils sont encore pleins d'eau. Ce n'était pas leurs outils, mais les miens. Ma scie circulaire, ma scie sauteuse, ma tronçonneuse électrique. Cantor et Sand, donc les escrocs, là, avaient pris pour habitude de tout m'emprunter sans rien de me demander. C'était comme l'échelle et tout le reste. Ils étaient à eux deux une véritable force d'occupation. Il leur avait suffi de quelques semaines pour réquisitionner ma maison, mes outils, mes finances, une partie de ma vie et faire de moi une sorte de collaborateur passif. Je vous fais passer le devis demain en fin de matinée. Juste pour le toit et la zinguerie. J'ai compris, juste le toit et le zinc. Pour la suite, je verrai plus tard, quand les assurances vous auront remboursé. Oh là là. Parce que les deux gaillards, là, ils n'étaient pas assurés. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que quand on a fait un chantier dans sa vie, on s'aperçoit de tout, qu'il peut y avoir des déboires comme ça. Et les plus fous, c'est les plombiers, il paraît. Disons, quand on ouvre l'eau, on s'aperçoit des fuites, quoi. Ouais. Mais en fait, ça me fait penser à deux choses, Dominique. L'une plus drôle et l'autre plus triste. Je commence par laquelle ? Comme tu veux. Je commence par la plus triste. Non, on verra ça après. Je vais parler d'une anecdote. En fait, je connais une dame, elle a refait son appartement, sa maison, je ne vais pas dire où, mais vers Fraisse, par là-haut. Peu importe, ouais. Oui, et elle avait demandé à une entreprise de je ne sais pas quoi, d'ouverture, pour lui faire une porte-fenêtre dans sa cuisine. Et du coup, ils ont confondu avec la porte d'entrée de chêne. C'était une magnifique porte de chêne de son grand-père, quoi. Elle y tenait et tout. Ils avaient pris la hache pour cacher la... Ah ouais, carrément. Pour casser la porte. Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça, mais on était malade, hein. Mais c'est vrai, j'évoquais à l'instant le sketch de Muriel Robin, bricolo bricolette, sans vente. Mais c'est vrai, quand elle raconte l'eau chaude qui est branchée sur la chasse d'eau, porte, dès qu'on l'ouvre, on ne peut pas parce qu'elle s'ouvre à l'envers, donc en fait, on est coincé par la cuvette. Mais c'est vrai que plus gravement, il y a des gens qui sont roulés comme ça, qui sont, ils achètent un terrain, un pavillon et... Ouais. Il y a un site sur internet qui existe sur toutes les malfaçons, mais les plus abracadabrantes qui puissent être faites. Mais on se demande même si les ouvriers, alors on leur dit d'exécuter ça, mais enfin, quand tu vois le résultat, moi j'ai vu des radiateurs où ils étaient obligés de découper la porte pour faire passer le radiateur, où ils étaient obligés de mettre le radiateur de travers parce que le mur était incliné, donc que le radiateur suive le mur, il le mettait en incliné, donc l'eau coulait, comme c'était des radiateurs à eau, l'eau coulait, donc ça ne marchait pas. Ouais. Enfin, des trucs aberrants comme ça, quoi, où on voit vraiment des malfaçons, même visuelles. Ah, on en rigole livre, mais dans la réalité, c'est pas drôle. Voilà, parce que ça peut aussi toucher à la structure du bâtiment. Quand tu construis une maison, que les fondations ne sont pas respectées... où il faut, ça peut entraîner effectivement après, ou alors il y a des entreprises qui déclarent forfait et qui disparaissent, qui mettent la clé sous la porte, alors qu'elles n'ont pas livré ton chantier. Donc là, évidemment, il y a des assurances, mais enfin, en attendant, les travaux ne sont pas finis, ça dure. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte exprès pour aller refaire des devis ailleurs. Après, il y a tout type d'arnaque, malheureusement. Mais pour en conclure sur ce livre, Dominique, toi, au-delà du ton qui est donné, qu'est-ce qui t'a plu dans le fond de ce livre ? Pareil, des situations où rien ne s'arrange et puis finalement on arrive à en trouver un trait d'humour. Il y a un peu un point commun avec le livre de Samuel Benchetrit, même si les histoires ne sont pas pareilles du tout. C'est un peu la loose, quoi. Et que ce n'est pas le même univers. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté narratif assez imaginé, enfin assez réel, mais très imaginatif aussi. Au départ, on rigole, il y a un ton humoristique. Au départ, il avait une vie tranquille, il avait une maison, et puis il était reporter de documentaires animaliers, tout allait bien, et puis il a voulu refaire cette maison, puis c'est là que tout a basculé. Ouais. Quoi. Allez, on va s'écouter une dernière pause musicale. On va partir. Pascal nous dit non, je suis pas prêt, panique à bord, le bateau va couler. Alors, peut-être rappeler, Dominique, les livres avec le titre, l'auteur, où on peut les trouver, peut-être en médiathèque, à Remiremont, ou les recommander sur... Vous présentez Monsieur Tanner, j'ai trouvé à la médiathèque de Remiremont. C'est d'ailleurs la bibliothécaire qui me l'avait conseillé parce que je cherchais un ouvrage comique, enfin drôle. Et puis Samuel Benchetrit, c'est Revient. D'accord. Qui vient de sortir. Aux éditions C'est Grasset. Grasset, ouais. Donc ce sont des bouquins qui sont pas actuels, enfin, qui ont et déjà... Il y avait des soldes sur ce livre. Ah bah c'est bien de le préciser, ouais, alors. Ouais, ouais. Ouais. Alors est-ce que l'ami, peut-être Pascal, est prêt pour lancer... Patrice, ça y est, alors j'ai pas eu le temps d'annoncer le titre. Ça cague, comme on dit dans le jargon. Ah, ça alors, cague. Notre ami Patricia Cass, qui est de la Lorraine, là-haut, la Moselle. Patricia Cass, où sont les hommes ? Les hommes qui pardonnent, fusionnent et qui donnent leur âme dans les bras d'une femme. Où sont les hommes qui laissent éclater leur faiblesse au grand jour pour vivre un grand amour? Où sont les hommes qui osent proposer un avenir meilleur, un remède au malheur? Où sont les hommes qui se battent et combattent, vont au fond de leurs rêves et vous emmènent ailleurs? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Disent haut et fort que l'amour n'est pas mort et qui espèrent encore. Où sont les hommes qui pour rester debout effacent leur passé rongé par le remords? Où sont les hommes qui pleurent dans les larmes et demeurent leur empale ultime souffrance? Où sont les hommes qui savent faire pour une œuvre et donner à leur vie l'espoir d'une autre chance? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui se livrent sans pudeur et décrivent sans peur ce qu'ils ont dans le cœur? Où sont les hommes qui plongent, s'allongent sur le corps d'une femme pour annihiler sa peur? Où sont les hommes qui marchent, qui font taire et les lâchent? Ils ne mâchent pas leurs mots jamais. Où sont les hommes qui laissent entrevoir ce qu'ils ont de plus noir et livrent leurs secrets? Où sont les hommes? Deviennent fous pour l'amour d'une femme. Où sont les hommes qui continuent de croire en celui que partout tous les autres condamnent? Où sont les hommes qui lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel implorant le pardon? Où sont les hommes qui, quand ils parlent à Dieu, sont prêts à écouter un jour ce qu'il répond? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes, Patricia Cass, sur les ondes de Radio Gemozo? Eh bien, il est temps pour nous de refermer cette édition de Boomerang. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio, dans la rubrique émission et rediffusion pendant 15 jours. Et elle sera rediffusée, je crois, le mardi à 9h. Voilà, donc vous pourrez la réécouter le mardi à 9h, mardi prochain. Eh bien, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro, le deuxième de l'année. On vous souhaite encore à tous une belle année 2019. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Dominique, merci à Félicie, merci à Pascal. Merci à toi Jean-Baptiste. Merci à toi et aux auditeurs qui nous écoutent. Et à bientôt. À portez-vous bientôt. Bien. Ciao, ciao. Au revoir. La noche en La Habana. El Salvador. Once de la noche en Managua.